scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1965, troisième émission. Nous allons passer cette heure avec un sujet unique. Ce soir, ce n'est pas un thème, mais un homme qui, en 1965, n'était pas encore le romancier à succès qu'il deviendrait dans les années 70. Il était certainement le critique de cinéma préféré des auditeurs du Masque et la Plume, aux envolées drôles et définitives, Jean-Louis Borry. Nous ferons mieux sa connaissance, comme les auditeurs de France Culture faisaient mieux sa connaissance l'été 1965 dans une émission intitulée « Impromptu de vacances ». En attendant, voici un court extrait d'un « Masque et la plume » où Jean-Louis Borry parlait de l'un des films les plus marquants de l'année. Je crois en effet que c'est un film où Godard s'est enfin rendu compte qu'il avait fait une œuvre qui était l'œuvre de Godard. C'est-à-dire qu'elle est entièrement continuité avec les autres films. Ce sont les mêmes thèmes, les mêmes obsessions. Il s'agit d'un personnage qui était à bout de souffle. Il s'agit de vivre sa vie. Il s'agit de faire bande à part. Et il s'agit de s'apercevoir qu'une femme est une femme. Vous comprenez, c'est exactement tous les films de Godard y sont. Et tout ce qu'on a tellement reproché jusque-là à lui, c'est-à-dire ses citations, ses tics, ses désinvoltures, tout y est, c'est Godard entièrement lui-même. Sauf le mépris. Mais qui est convergent, mais il y a aussi tous les thèmes du mépris. Et qui est convergent. Et c'est Godard qui, en effet, réfléchit sur son œuvre, et Mardor a raison, et qui en dégage, avec les mêmes éléments, une espèce d'art poétique. Et c'est pour ça, en effet, que c'est un film qui, en ce moment, fait le point sur l'œuvre de Godard, en forçant tous les autres Godard à converger. Et pour moi, j'y ai vu une méditation de Godard qui était profondément visuelle. C'est pour ça que Godard, si vous voulez, c'est vraiment le cinéma fait homme. C'est un dialogue et un duel entre le rouge et le bleu, entre l'action, côté rouge, et la contemplation, côté bleu. Entre l'action, et ça, Marc Cabré dit quelque chose de très juste, oui, l'action représentée par la femme, la méditation, la contemplation, le bleu, représentée par l'homme. Et ce n'est pas par hasard, c'est le héros qui en fait s'appelle Ferdinand, comme un grand anarchiste intellectuel que Godard admire beaucoup et qui cite presque toujours Céline. Ce n'est pas par hasard, il s'appelle Pierrot. Pierrot, la malheureuse victime de Colombine, Pierrot, les pieds dans la lune, Pierrot, le bleu, en fait, qui est vraiment la couleur de la méditation, de la nuit, du rêve nocturne, par opposition à l'action saisie dans son sens moderne, sous la forme de cette espèce de suspense pour gangsters, trafic d'armes, espions, voitures, qui est la forme moderne de l'action, même si elle est dégénérée. Eh bien, c'est cela, c'est le duel entre ce bleu, ce rouge, du moins, et ce bleu. Le rouge, représenté par la peur du sang qu'a Pierrot le rêveur. Belmondo, à un moment, dit qu'il ne peut pas supporter la vue du sang. Et qu'il se réfugie dans le rêve du bleu. Et ce n'est pas par hasard si le paradis terrestre qu'il croit un moment trouver avec Carina, dans le ton même de Robinson Crusoe, avec le même perroquet, les petits animaux, et Carina faisant l'espèce de vendredi-dimanche de ce Robinson-là, eh bien, ce n'est pas par hasard si c'est au bord de la mer bleue, sous un ciel bleu. Tout cela est merveilleusement concerté, comme tous les autres films de Godard. Seulement, comme tous les autres films, mais peut-être en effet c'est plus réussi, mais il arrive surtout qu'il vous a tellement bassiné pendant maintenant je ne sais combien de films, qu'enfin, vous ouvrez les yeux sur un film de Godard. On peut dire les mêmes critiques. Oh, le pédantisme intellectuel, parce qu'il cite Velázquez et Lorca, la désinvolture, parce qu'en effet, l'histoire est bâclée n'importe comment, soi-disant bâclée n'importe comment. On peut dire, mais si, on peut dire tout ce qu'on a dit contre bande à part, on peut le dire là. C'est tout sauf bâclé. Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, mais connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, Des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. De ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant tout doucement sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Nos sentiments nous ont liés bien malgré nous sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais ne dis jamais que tu m'aimeras toujours, oh mon amour. Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Et voici une émission où l'on fait vraiment la connaissance de Jean-Louis Borry. L'une de ces émissions dont la radio est friande, à juste titre, qui choisit un thème, parfois un prétexte, pour donner à l'invité l'occasion de se raconter. En l'occurrence, les vacances. Voici donc un impromptu de vacances, diffusé pour la première fois sur France Culture le 29 juillet 1965. France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Jean-Louis Borry. Assistante Yvette Tujbin. Jean-Louis Borry, je serais tenté de vous demander qui êtes-vous, mais ça ne se fait pas. Non, puis d'abord je ne vous répondrai pas. Donc vous allez essayer de ne pas me répondre, et puis nous allons jouer le jeu des mots, si vous voulez. Et le mot qui est choisi pour cet été, c'est vacances. Ah, okay. Alors là, je réagis en professeur de lettres. Est-ce que vous mettez un S à vacances? Et vous? Moi, oui. Oui, parce que, je dirais, pour moi, vacances sans S, ça veut rien dire, c'est le vide. Et j'ai terriblement peur de ce mot-là. Terriblement peur du vide. Vacances avec un S, c'est un pluriel qui rassure. Encore que depuis quelques années, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, ce mot-là. Voici pourquoi. J'ai été très longtemps professeur. Ma mère est institutrice. Mon grand-père est instituteur, un instituteur laïque. Ma grand-mère était institutrice laïque à Paris, ce qui fait que pour moi, vacances, c'était très longtemps une histoire scolaire imposée par le lycée, les études que j'ai faites comme étudiant, puis que j'ai continué à faire comme professeur. Pour moi, l'année commence au mois d'octobre, le premier trimestre, ça se terminait au mois de décembre, et j'avais un rythme scolaire, et vacances avaient donc une signification scolaire. Or, depuis... maintenant, c'est la quatrième année, je suis en congé universitaire, parce que je commence à l'avoir un peu marre, et que je trouvais que j'avais pas assez de vacances, précisément, avec un S. Et puis que le métier commence à devenir vacances sans S. Alors, je me suis mis en congé, et pour moi, vacances, ça n'a plus beaucoup de réalité saisonnière, ou du moins, c'est détaché du temps. J'ai l'impression d'être tout le temps en vacances puisque je ne vais plus au lycée. Et en même temps, j'ai l'impression de ne plus avoir de vacances parce que je travaille tout le temps. J'écris tout le temps, enfin maintenant. Alors, je ne sais plus très bien sur quel pied danser. Enfin voilà, déjà une première réponse. Et durant votre enfance, est-ce que le mot était plein pour vous ? Très, très, très, très plein. Merveilleusement plein, comme il est d'abord, presque pour tous les gosses. Et puis surtout, enfin, merveilleusement long. Alors, il y avait les grandes vacances. Pour moi, les vacances étaient automatiquement grandes. Il y avait les petites vacances Noël et Pâques, mais ce n'était pas vraiment des vacances parce que je restais dans ma famille. Quand j'étais gosse, les sports d'hiver n'existaient pas comme maintenant, ça commençait à peine. Et puis socialement, je n'étais pas dans une classe où les sports d'hiver étaient une réalité courante. Alors les vacances étaient uniquement les grandes vacances, mais qui, lorsque j'étais gosse, paraissaient très, très, très, très grandes. C'était un long tunnel, très ensoleillé, très chaleureux, plein d'idées merveilleuses. Parfois aussi de l'ennui, d'ailleurs. Mais cet ennui faisait paraître le temps beaucoup plus long et ça reculait terriblement le mois d'octobre. Avez-vous des lieux précis dont vous pourriez nous parler ? Pendant très longtemps, les vacances pour moi, c'était le petit village où je suis né. J'ai une chance inouïe, c'est que je suis né dans un petit bled de la grande banlieue parisienne, exactement à Méréville, qui est du côté des Tempes. Et j'ai la chance d'y habiter encore. C'est-à-dire que je suis le contraire du déraciné, je suis très, très solidement enraciné. J'ai jamais quitté mon petit village, j'habite encore ce petit village. Et pour moi, les vacances, c'est d'abord ce petit village. Ça, c'est vraiment, enfin, ça fait partie de ma chair. Et même lorsque j'étais professeur après, l'idée de repos était liée immédiatement au retour dans ce petit village de Méréville. Ça, c'est vraiment absolument indissociable. Même encore maintenant, quand je pense à l'idée de repos, automatiquement, je prends la direction de ce petit village. Et lorsque j'étais gosse, eh bien, d'abord, c'était le fait de ne plus aller à l'école et de me balader dans les bois avec une bande de petits galopins, parce que j'étais très, très petit galopin, chapardeur de fruits, etc. Très petit paysan, je suis encore resté, Dieu merci. Et pour moi, c'est un décor extrêmement précis qui est encore celui de ma vie privée, enfin, de ma vie dans ce qu'elle a de plus intime. Est-ce que vous pouvez nous parler de la superposition entre ces deux villages, le village de votre enfance et le même que vous voyez maintenant ? Eh bien, la superposition, elle est facile et elle est désenchantante. Elle est facile dans la mesure où, si vous voulez, mes grands-parents, c'est-à-dire le père et la mère de mon père, étaient instituteurs dans un quartier de Montmartre à Paris. Et ils avaient fait ce qui, à l'époque, était extraordinaire. C'était une espèce d'aventure digne de la recherche du pôle Nord, le passage du Grand Nord. Ils avaient eu l'idée d'acheter une maison dans la grande banlieue parisienne qui, à l'époque, ça représentait une journée de voyage ou presque pour aller à Méréville, alors que maintenant, ça représente une heure de voiture. Et ils avaient cette idée d'acheter cette maison. Mes grands-parents avaient l'idée, naturellement, de prendre leur retraite ici, ce qu'ils ont fait. Ce qui fait que mon père est venu tout gosse. Alors, je vis donc dans une maison que j'ai toujours connu, si vous voulez, et dans un décor d'arbres, qui sont de grands arbres, avec une rivière au bout du jardin. Ça, ça n'a pas bougé. Je l'ai toujours connu et je le vois encore. Et dans votre esprit ? Eh bien, dans mon esprit, cela a glissé. Cela a glissé dans la mesure où, si vous voulez, ça s'est rapetissé au fur et à mesure que je vieillissais. Ça, je crois que c'est assez caractéristique de la psychologie du vieillissement. Et en même temps, j'ai l'impression que le monde extérieur est en train de bouffer cette espèce de petit paradis, dans la mesure où le bled évolue, il s'est rapproché de Paris, beaucoup de Parisiens viennent s'installer maintenant, à cause de l'autoroute du Sud, etc., et puis de ce phénomène social qui est extrêmement net de la résidence secondaire. Alors, autant j'avais l'impression d'être à l'écart, véritablement en vacances, du monde moderne dans ce petit bled, autant cette impression maintenant disparaît. Et alors, ça se modifie aussi pour une autre raison, c'est que ce petit village, en fait, est le cœur géographique de mon boulot, de mon œuvre romanesque. Enfin, œuvre romanesque, ça fait prétention, mais enfin, de mes romans. Mon grand rêve, ma grande ambition, ça c'est de faire un peu ce que Faulkner a fait avec son Jefferson, c'est-à-dire une transposition romanesque d'un milieu très géographiquement délimité. Moi, mon milieu géographique, c'est vraiment ce petit village de Beauce, avec naturellement les rapports et la proximité d'une ville comme Paris. Alors, tous les romans que j'ai écrits jusqu'ici, mon village en Allemagne, c'est ce village-là. Et tous les romans que j'ai écrits, qui sont plus ou moins très fortement influencés par la réalité paysanne que je connais, que je vis, je voudrais qu'ils s'organisent autour de ce cœur géographique. Ce qui fait que le village, maintenant, pour moi, est double. C'est à la fois le village Méréville, c'est-à-dire les gens qui existent vraiment, que je connais, un décor qui est réel, et en même temps c'est Jumainville, c'est-à-dire un décor plus ou moins mythologique. Alors il y a des moments où le décor mythologique l'emporte sur la réalité, puis d'autres moments où c'est le contraire. Je veux dire que lorsque je suis en train de travailler comme en ce moment un roman, le décor mythologique l'emporte. Et mes personnages m'intéressent plus que mes contemporains, qui ne sont pas toujours marrants d'ailleurs. Est-ce que les paysans de cette région ont changé ? J'ai pas l'impression qu'ils aient tellement changé. Vous savez, ça, c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée. C'est curieux parce que, pour eux, je suis vraiment une espèce de voix à cinq pattes. Je suis quelqu'un, pour eux, alors qui est vraiment toujours en vacances. Parce que je ne travaille pas. Ce qu'ils appellent travailler, c'est-à-dire prendre des outils, creuser la terre, etc. Je parle des paysans, des vrais paysans. Bon. Pour moi, qui passe mon temps à lire ou à écrire, c'est pas travailler. J'avais une femme de ménage qui venait chez moi, qui était une femme merveilleuse, une paysanne qui était très marrante, qui avait son franc-parler, et qui me disait toujours « Alors, Monsieur Jean-Louis, elle m'appelait Monsieur Jean-Louis, vous êtes toujours dans les écritures. » Et pour eux, ce n'est pas travailler. Vous comprenez, c'est une activité qui leur paraît un peu étrange, presque au bord de l'inavouable. Vous comprenez, je ne suis pas un parasite exactement, mais enfin un individu qui a de la chance de gagner sa vie à ne rien faire. Ils n'ont un peu d'estime pour ce que je fais que lorsque j'apparais sur l'écran de télévision. Alors là, ils se rendent compte que ça correspond à quelque chose qui est tout de même reconnu par cette puissance mystérieuse et omniprésente et omnipuissante qui est la télé. Alors là, ils m'acceptent. Mais d'une façon générale, je suis un voix sympathique. On m'aime bien parce que j'ai toujours vécu là, ils m'ont toujours connu. J'étais longtemps le petit Boris, maintenant je suis Jean-Louis. Alors, je les ai toujours connus, je n'ai pas l'impression qu'ils aient changé. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours les réalités paysannes, un bon sens solide, goût du fric, pas chercher midi à 14h, le côté bosseron, et le bosseron n'est pas un paysan aimable, c'est un paysan pas souriant, et qui est habitué à se bagarrer pour son pain, et de qui la vie est très dure, par conséquent, et en même temps, il gagne de l'argent, bien sûr, les fameuses lessiveuses des paysans, c'était pas de la blague, en 44-45. Et en même temps, ils ont changé parce que les conditions matérielles de leur existence ont changé. Je vois ça à multiples signes, surtout quand je pense aux nouvelles générations de paysans. D'abord parce que Paris s'est prodigieusement rapproché. Lorsque j'étais petit, lorsque j'étais gosse, les petits paysans qui allaient à Paris, enfin je vois les camarades de l'école communale qui allaient à Paris, c'était vraiment une expédition extraordinaire et il y avait encore des tas de vieilles personnes qui n'étaient jamais allées à Paris. Bon, naturellement, ça devient de plus en plus impensable. Ils vivent d'une façon plus ouverte, plus dégagée. Dans presque toutes les fermes, il y avait la salle à manger où on ne mettait jamais les pieds, que pour la première communion du gamin. Et le reste du temps, tout était fermé. Les volets étaient fermés pour empêcher le soleil d'entrer. Les housses étaient sur les meubles. Et sur la table, on mettait les pommes à sécher, etc. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Les jeunes fermiers vivent dans leurs meubles. Ils ont la télévision, ils ont la machine à laver, et ils ont même le goût des fleurs. Quand j'étais gosse, par exemple, pour les paysans, la fleur, ça n'existait pas. L'arbre était l'ennemi, parce que ça empêche de planter du blé, de faire pousser des choses. Maintenant, les fleurs existent, et on admet très bien d'avoir même des arbres qui ne rapportent pas, ce qui est extraordinaire, des arbres ornementaux. Donc, il y a une ouverture davantage sur les plaisirs de l'existence directe. En même temps, par exemple, il y a des détails qui changent l'existence. Vers la fin de la guerre, les paysans qui avaient gagné beaucoup d'argent ont eu l'idée merveilleusement astucieuse de camoufler une partie de leurs bénéfices en construisant une piscine. Ce qui était une rêverie folle. Surtout qu'ils ont construit cette piscine à Méréville, qui est une très jolie piscine. Ils l'ont construite sur le sommet d'une colline. Parce qu'il y avait une histoire de château d'eau, enfin de vases communicants, qui fait qu'on grimpe à Méréville, et une côte très abrupte, pour aller à la piscine. Bon. Ce qui donnait à toute l'opération une allure proprement fantastique, quasi féerique. La conséquence de cette rêverie merveilleuse, c'est que maintenant, tous les gosses de l'école communale de Méréville savent nager. Ce qui a beaucoup changé les conditions d'existence. Les gosses maintenant vont à la piscine, alors que, par exemple, les jeunes gens, mes contemporains, faisaient partie de l'équipe de football, et puis après la partie de football, ben, ils allaient taper la carte au bistrot. Maintenant, ça n'existe plus. Thank you. Juine, Trouche, Bonnard se levèrent en écartant bruyamment le banc de la table. Trouche suça ses moustaches et Juine annonça qu'il allait continuer à battre dans la grange, que Bonnard et Trouche l'aideraient. On serait pas trop de trois. Il était besoin d'un bon sac de blé. Pierre se sentit illuminé soudain par une flambée de joie. Il chantonna. Il se sentait immense et bon. Il continua de chantonner, mais à voix plus basse, presque un murmure, lorsqu'il approcha de la pièce où l'on avait remisé grand-père, tout près de l'étable, pour qu'il ait chaud. Par la porte qu'on laissait entr'ouverte aux appels du vieux, il devina derrière l'ombre la masse tassée dans le fauteuil, la ligne exagérément brisée, acérée du profil, le nez, le menton, en cet instant bizarrement levé vers les poutres du plafond. La tête s'était renversée sur le dossier de bois. La bouche était ouverte. Il semblait qu'il n'en sortait rien que le silence. Silence et immobilité. Est-ce qu'il est mort ? Pierre poussa la porte. Hilaire l'avait récemment huilé pour qu'on ne risque pas de réveiller le vieux. Pierre s'avança sur la pointe des pieds. La bouche bâillait. Le vieux avait dû flairer une présence. Ou peut-être à travers l'épaisseur du sommeil, de l'épuisement et de la surdité. Mais voilà qui prouvait qu'elle était bien prétendue, cette surdité, comme le soutenaient son père et Marie Bonnard. Avait-il entendu le triple claquement cadencé des fléaux dont la danse venait de commencer dans la grange? Les yeux s'ouvrirent, sans ciller, d'un coup, les paupières mues comme par une mécanique parfaitement silencieuse. La tête se redressa, pivota de tous côtés avec une rapidité fébrile, affolée, tandis que les mains, os et peau et tendons et veines cordées, jaillissaient hors de la couverture qu'elle se mettait à pétrir et à griffer. Mais les yeux, ronds et fixes, ne voyaient rien. Le trou au bord ridé fut agité de tremblements menus. Il se produisit dans le fond des raclements. « Foutez-moi, foutez-moi la paix, le camp !» Et les yeux se refermèrent. Pierre attendit d'avoir poussé derrière lui la porte de l'étable pour se remettre à chantonner. Là, toutes les odeurs changent. On pénètre dans une boule riche, chaude, vivante. Ce n'est plus l'odeur de pommes sûries dégagée par la vieillesse et la mort. Dehors, dans la cour, près du double ventail de la grange, l'odeur de la pâtée pour les poules, acide, rappelle celle du grand-père. Pierre ouvrit la petite porte découpée dans le ventail de droite. Le claquement des battoirs sur la terre, où la gerbe était écrasée, foulée avec une violence méthodique, résonna haut et sec. Trouche, Juine, Bonnard, Trouche, Juine, Bonnard, Trouche, Juine, Bonnard, l'un après l'autre. Les battoirs volaient au-dessus de la tête, brutalement arrêtés dans leur envol par la boucle de cuir les reliant à leurs longs manches polies qui lançaient des brefs éclairs dans le jour trouble de la haute bâtisse résonnante. Trouche, Juine, Bonnard, le battoir tournoyait derrière la nuque, puis soudain, rabattu d'un coup sec, Trouche, Juine, Bonnard, il tombait sur la gerbe très sautante, rebondissait dans la poussière jaune mêlée de fétus volants, repartait, Trouche, Juine, Bonnard, rejeté d'un coup sec en arrière. Et la ronde s'était installée dans un rythme aussi régulier que celui d'une mécanique. Juine couna un petit coup. Les gourdins s'arrêtèrent. La gerbe fut ouverte, retournée. Les fléaux s'envolèrent. Le sang aux joues, la buée de leur ahannement alterné, rendaient l'air visible devant leur bouche, à peine haletant, l'un après l'autre, cambrés avec vigueur, solidement campés sur leurs jambes, pieds nus, les orteils accrochés au sol froid. Trouche, Juine, Bonnard, pas de danger que cela se fasse du mal. Pierre évita le coin où étaient accrochées les bottes d'oignon. Il poussa l'échelle, grimpa, l'oreille occupée du toc-toc-toc des fléaux, mais l'œil travaillant à discerner si là-haut, derrière la grosse poutre noueuse, entre les nids d'hirondelles ruinées, se cachait toujours son trésor. Il s'étendit dans le foin de tout son long, en compagnie de tous ses livres. Le toc-toc-toc régulier, régulièrement suspendu par le cri jappé de Juine, ne le dérangeait pas. Cela rythmait le temps, à la façon d'un balancier d'horloge. Le temps allait couler, avec le silencieux froissement régulier du grain qui s'échappe indéfiniment d'un sac crevé. vous, Jean-Louis Bory. Moi, avez-vous quoi changé? Je veux dire... Oui. Je vais préciser ma question. On a évoqué votre enfance. Oui. À partir de cette idée de l'enfance, on se projette dans le temps. Nous sommes maintenant ici, en 1965. Comment êtes-vous par rapport à celui que vous étiez? Oh, je vais répondre très franchement. Vous savez qu'il y a une phrase qui m'a toujours fait horriblement peur. Je ne sais plus d'ailleurs de qui du tout elle est. Mais de temps en temps, enfin, quand j'ai des périodes de cafard, ce qui arrive, vous savez, quand on se réveille à 3 heures du matin et qu'on commence à broyer du noir et qu'on se dit, bon, je suis le dernier, la dernière des cloches, j'ai loupé ceci, j'ai loupé cela, j'aurais voulu faire ceci, j'ai pas fait cela. Enfin, on broie du noir. Et il y a cette phrase qui, de temps en temps, me revient, qui dit ceci, on ne mûrit pas, on durcit à certains endroits et on pourrit à d'autres. Bon, ce qui est une phrase terrifiante. J'ai pas tellement peur de vieillir, je vieillis comme tout le monde bien sûr, mais pour répondre à votre question plus précisément et aussi franchement que je pourrais, comment vous sentez-vous? Je veux dire que je me sens plutôt bien dans ma peau. Oui, je me sens plutôt bien dans la mesure où j'ai la chance justement en ce moment, et je touche du bois moralement parce que j'espère que ça va durer, de pouvoir gagner ma vie en faisant des choses qui me passionnent et dont certaines m'amusent, par conséquent je trouve que c'est une chance inouïe. Quand on écrit et qu'on écrit des choses qui vous amusent et qui vous intéressent et qu'en plus on gagne de l'argent avec ça, je trouve déjà que c'est prodigieux. Par conséquent, c'est une espèce de miracle. D'autre part, j'ai plutôt une bonne santé, ce qui est aussi important. Bon. Troisièmement, j'ai la chance d'avoir encore ma mère, qui est une femme admirable, avec laquelle je m'entends très bien, qui, Dieu merci, est encore en bonne santé, là aussi je touche du bois. Et puis j'ai la chance d'avoir une maison sympathique dans la banlieue parisienne, ce qui fait naturellement des conditions de travail matérielles que j'estime exceptionnelles. C'est une chance inouïe, je suis très conscient de cette chance et je m'en félicite. Ça, c'est la raison positive d'auto-satisfaction. Et puis maintenant, il y a les raisons négatives, c'est-à-dire que le temps passe très vite, on ne fait pas toujours ce qu'on voudrait, et puis au fur et à mesure qu'on vieillit, on s'aperçoit qu'on se heurte à ses propres limites, ce n'est pas toujours sympathique de dire « j'aurais voulu faire ça, mais malheureusement, ça me paraît exclu parce que j'y arriverai pas, c'est trop fort pour moi, c'est au-dessus de mes forces ». Ça, c'est la fameuse lucidité de la quarantaine dans laquelle je suis en train de trempouiller sans grand plaisir. On doit passer par là. Enfin, j'imagine que le bilan de la quarantaine, tout homme lucide doit passer par là, c'est pas toujours très marrant. Alors, ce qui fait que parfois, je me sens moins à l'aise dans ma peau que je voudrais. Oui, mais j'ai l'impression tout de même que la partie, pour l'instant, la partie positive l'emporte sur la partie négative. Ce qui fait que je sors cette phrase abominable qui devrait parfois me faire rougir de honte. Individuellement, c'est-à-dire compte non tenu du monde qui nous entoure, c'est-à-dire je suis très pessimiste pour ce qui est du monde qui nous entoure, mais individuellement, dans mon petit sac de peau, je me considère comme un individu heureux. Vous n'êtes pas amer? Pas du tout. Je deviens amer que lorsque je vois le futur, ce que l'on va proposer aux jeunes gens. Parce que je trouve que les malheureux, alors là, ils sont floués, comme dirait Mme Simone de Beauvoir, d'une façon scandaleuse. J'ai l'impression que ma génération est peut-être la dernière à avoir eu une existence qui me paraît humaine. Quand je vois mes nièces, ou quand je vois mes élèves, parce que je suis resté tout à fait en rapport très étroit avec beaucoup de mes élèves, je leur dis souvent, mais pauvre coco, le monde qu'on vous prépare, à mon avis, sera un monde qui sera beaucoup plus stupide que le nôtre, infantilisé, et qui me paraît déjà terriblement étriqué. Quand je vois justement les conditions d'existence qu'on leur fait, les HLM, les autoroutes, les espaces verts, quand on voit le Paris de l'an 2000 qu'on leur prépare, etc., ce qui frappe, c'est que de plus en plus, pour les citoyens de ces villes et de ce monde, le temps et l'espace, ce sera devenu deux luxes parfaitement inaccessibles. Alors que lorsque j'avais 20 ans, même encore maintenant, enfin le temps et l'espace, on peut encore en trouver. Mais on sent déjà que ça fuit. On sent déjà que pour avoir du temps vide, du temps libre, et on retrouve l'idée de vacances, et d'espace, eh ben, il faut déjà se débrouiller et se remuer pas mal pour en trouver. Alors dans 20, 30, 40, 50 ans, j'ai l'impression que ça deviendra deux idées qui relèveront des vieilles lunes, qui appartiendront au monde d'écroulant. J'ai l'impression que plus on va, et le progrès aidant, la civilisation s'étrique. Et ça, ça me désole. Est-ce inéluctable? J'ai envie de répondre oui. J'ai envie de répondre oui parce que je ne vois pas du tout comment on pourrait freiner ou renverser. C'est très grave de répondre oui. Oui. Mais j'ai... Oui, justement... Attention aux bonnes consciences. Ben oui. J'ai peur de répondre oui, et je crois que ça me paraît inévitable dans la mesure où comment voulez-vous qu'on renverse la vapeur ? Ce que je souhaite seulement, c'est que les futures générations trouvent d'autres façons de s'évader que celles qui consisteront à goûter le silence, qui sera une denrée parfaitement inconnue, merveilleusement périssable. Très cher. Goûter, oh là là, hors portée du commun. Et de même qu'il y aura le silence, l'espace et le temps qui seront devenus des luxes réservés vraiment à ceux qui pourront se l'offrir. Les autres, c'est-à-dire tout le monde, trempera dans le bruit, aura 50 cm carrés pour vivre, avec de temps en temps des échappatoires, avec des frontières délimitées, des raies jaunes, des raies vertes, des raies blanches, etc., pour aller de tel endroit, 50 cm carrés, à tel autre endroit, 150 cm carrés, pour respirer, à l'intérieur d'horaires précisément minutés. Mais ce nouveau bonheur, moi, personnellement, je ne suis pas capable de l'apprécier parce que je suis déjà d'une génération qui est une génération de dinosaures, vis-à-vis des jeunes gens qui ont maintenant 15 ans et qui, avec tout, s'affrontent du bonheur. Eh ben, il est bien évident que maintenant, moi, je suis hors course. Quand je vois ma nièce, je pense toujours à ma nièce parce que je vis beaucoup avec elle, c'est une fille de 16 ans, une très très jolie fille, tout à fait dans le vent. Naturellement, ses études sont d'un succès plutôt discutable. Elle redouble glorieusement sa seconde. Elle a eu cette réflexion à mon frère qui a la superstition des bêtes, des bonnes études scolaires. Elle a eu cette réflexion que je trouve très jolie. Tu comprends, papa, il y a l'intelligence scolaire. Moi, j'ai l'autre. Bon, ce qui est vrai, d'ailleurs, mais ce qui me paraît une réflexion tout de même dangereuse pour ce qui est du baccalauréat. Eh bien, pour ma nièce, le fait qu'elle vive dans le bruit, ça ne la touche pas du tout. Le silence, pour elle, n'est pas un élément de bonheur, n'est pas un élément de repos, n'est pas un élément de vacances. Les vacances, le repos, ça accommode aussi bien du transistor, des micro-sillons, des disques qui sont constamment en train de tourner, etc. Bon, de même, l'espace, bon, elle conçoit très bien qu'elle puisse s'amuser, puisse se reposer, se détendre, justement, avec toute une bande de copains dans une pièce exiguë. Vous comprenez ? Et ça, le temps, elle, tout de même, ils ont encore une conscience d'une certaine élasticité du temps. Mais tout ça disparaîtra peut-être. Alors peut-être que dans 20-30 ans, les jeunes gens et les hommes transformeront en bonheur ce qui nous paraît aujourd'hui le signe de la déshumanisation. Bref, la nature humaine est ainsi faite, on fait du bonheur avec n'importe quoi. Exactement. Ça, j'en suis persuadé. Les hommes sont des mondes inconnus, dont je travaille à déterminer la géographie, l'aspect physique, les mœurs. Je cherche si leurs mouvements répondent à des lois, et lesquelles. J'ai longtemps étudié les sorties d'usines, de bureaux. J'attendais la fin des films devant les cinémas et la fin des matchs de football devant les stades. Je prospectais les lieux privés, les terrains propices, faubourgs, jardins publics, halls de gare, piscines. Tenez, je suis un savant, si vous voulez. On connaît la même angoisse, les mêmes tortures délicieuses. On est capable de la même patience. Chartiste. Capable aussi d'objectivité, puisqu'aucune passion ne m'entraîne que la curiosité. Se faufiler dans la peau des autres, seulement pour essayer de voir avec leurs yeux, de goûter avec leurs papilles, surtout de raisonner du monde avec leurs raisons. Ressentir exactement chacune de leurs sensations, même la plus furtive, surtout la plus furtive. L'éblouissement du marinier qui se penche sur le vieux port, la fatigue qui noue une seconde les épaules du terrassier Courbelzins, ou la frayeur de la femme qui rentre tard du cinéma par une rue sombre et qu'on suit pour la seule joie de partager cette peur. On imagine leurs existences, on pénètre dans leurs ténèbres familières. Surtout les regards. Je les collectionne. Je ne connais rien de plus précieux que cette étreinte totale, immédiate et complice, qui subitement isole de tout. Le regard caresse, brutalise. Il donne et prend, il dénude. Il est impitoyable. Il est sûr. Il entre si souple. Il se glisse au plus profond de l'autre, de vous. Et quand il se retire, il retourne l'autre, non ? Et vous pour l'autre, comme un doigt de gant, tous les secrets à son soleil. Pour moi qui sais regarder et répondre au regard, chaque regard est un enlacement aussi complet qu'un viol. Ça me laisse les genoux tremblants comme après l'amour. Et plus il y a de péril à obtenir ce regard, plus le succès exige de hardiesse et d'impudeur, plus je m'acharne. Je marcherai des heures pour l'avoir. Après, je l'emporte. Le souvenir de ces regards, je l'accumule, comme les abeilles leur miel. C'est un élément de mon bonheur. Vous avez brossé un tableau. Oui. Un tableau d'avenir. Pas oui. tellement drôle, mais pas tellement drôle pour nous, disons-nous. Oui, pour nous. Il sera peut-être très drôle pour ceux qui le vivront. Enfin, je leur souhaite. Mais vous ne croyez pas que tout cela marche dans une certaine direction et que cette direction, elle n'est peut-être pas tout à fait due au hasard ou à ce que l'on appelle en gros, pour ne pas avoir à y réfléchir, la marge du temps. La marge de l'histoire. La marge de l'histoire et la marge de la civilisation. J'ai l'impression qu'en effet... On s'arrange, mais le on ici, je mets un très grand taux, puis des kilos de guillemets de chaque côté du on. Et tout, enfin peut-être que l'histoire consistera justement à préciser qui est ce on. On s'arrange pour faire en sorte que les gens, les êtres, deviennent de plus en plus des troupeaux dociles à l'intérieur d'un certain cadre soigneusement aménagé, confortablement aménagé, pour que le troupeau n'ait pas envie de donner des coups de corde au berger qu'il garde. Une société de consommateurs. Exactement, ben ça j'en suis persuadé. Mais ça, malheureusement, j'ai une peur affreuse que ça soit la marge de l'histoire. Parce que quand vous essayez de dire à ces fameux consommateurs, vous êtes floués, mes cocos jolis, on vous transforme en consommateur, on veut surtout éviter que vous ayez un droit de regard sur le marché, ce que vous consommez, les gens vous disent, foutez-nous la paix, on consomme. Là, ce qui me rend terriblement pessimiste, c'est que lorsqu'on allume des feux rouges en disant « Attention, attention, méfiez-vous de votre frigidaire, méfiez-vous du Tour de France, méfiez-vous du tiercé, ce sont les opiums de la civilisation moderne », les gens vous répondent « Foutez-nous la paix, on aime bien cet opium ». C'est ça qui me terrifie. C'est qu'au moment même où on leur dit « Vous aurez un appartement avec air conditionné, vie d'ordure, etc. Vous aurez une télévision qui vous présentera du Bourville tous les samedis soirs et du Louis de Funès tous les dimanches soirs. » Avec Monsieur Guilux pour les week-ends, et puis je ne sais combien de papiers à payer régulièrement chaque mois, mais ne vous inquiétez pas, vos comptes chèques postaux s'en occuperont pour vous. Vous pouvez mourir, on sera payé. Voilà, mourrez, nous ferons le reste. Beaucoup de gens sont prêts à vendre leur âme pour cette espèce de paradis-là. C'est ça qui me terrifie, c'est ça qui me rend terriblement pessimiste. C'est quand on leur dit, malheureux, vous ne penserez plus par vous-même, j'ai l'impression que beaucoup de gens vous disent, et après on s'en fout, tu as pas tellement à penser par soi-même. Tout le monde, il y a des moments où on a envie de leur dire, mais enfin, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous ne cherchez pas une autre phase de la vérité? Si ce qu'on vous présente exactement comme on vous dit, et il y a un peu de sens critique. J'ai l'impression que les gens sont prêts à vendre leur sens critique pour un bon frigidaire, une bonne voiture de week-end et suffisamment d'argent pour aller passer un mois dans un club méditerranéen quelconque. Moi, ça me terrifie. Moi, je trouve que c'est une société, comme vous dites, une société de consommateurs et qui va de plus en plus vers les troupeaux bien organisés avec simplement enfin, des bergers fonctionnels qui s'occuperont des directions que doit prendre le troupeau et des packages qu'on leur désignera. Alors ces bergers, faut-il les considérer comme des éducateurs? J'aimerais Je parle au professeur. Oui, oui, oui. Ces bergers comme des pasteurs, alors. On voudrait bien qu'ils soient des éducateurs. D'abord, c'est un vocabulaire qui est terriblement dangereux. Terriblement dangereux parce que du berger au chef et du pasteur au doutch, et puis Führer veut dire berger ou presque en allemand. Alors, vous comprenez, ça vous laisse un peu rêveur parce que Si on connaissait très exactement qui est le berger, quelles sont les qualités du berger, on ne vendrait pas mieux que d'abandonner les troupeaux à ces bergers-là. Mais il y a combien de mauvais bergers pour un bon berger, vous comprenez? Mais moi, je vais vous traduire ma question. Oui. Que deviennent les éducateurs dans tout cela? Qui sont-ils? Eh bien, les éducateurs, et... oui. Quelle est leur position? Voilà. Ben, les éducateurs, les pauvres vieux, ils font ce qu'ils peuvent en ce moment. Les éducateurs devraient avoir un rôle, à mon avis, essentiel. D'abord, j'ai des professeurs, et je suis encore professeur par tempérament et par goût, et quand je fais de la critique de cinéma ou de la critique de livres, j'ai l'impression d'être encore professeur. L'éducateur devrait être un rouage essentiel, justement, de cette société de consommation. Parce qu'il devrait être le monsieur qui allumerait les feux rouges et les feux verts, en laissant à l'individu, naturellement, le droit de brûler certains feux rouges. Après tout, tant pis pour lui, c'est assez risqué et périls. Mais il devrait être là pour, justement, faire établir une espèce de talus entre le consommateur et les biens de consommation. Ça peut être aussi bien un tableau de Picasso que je ne sais pas moi, un concert dirigé par Boulez, c'est-à-dire l'art considéré comme avant-garde, ou la peinture de Chagall, etc., etc. Les éducateurs devraient être, si vous voulez, le truchement, les intermédiaires entre l'énorme troupeau. Troupeau n'est pas du tout péjoratif, là. Disons le public, pour employer un terme comme ça, vague et pratique, le public et les œuvres, il y aurait les éducateurs, aussi bien sur le plan politique que sur le plan artistique, que sur le plan économique, etc. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces éducateurs, j'aimerais trouver non seulement les professeurs, mais à mon avis, ce serait le rôle merveilleux de la radio, de la télévision et de la presse. Radio, télévision, presse devraient, à mon avis, jouer ce rôle d'informateur-éducateur entre l'immensité d'un public et les problèmes que ce public, naturellement, ne peut pas comprendre parce qu'il a autre chose à faire, il a à vivre, il a à gagner sa vie, et il a aussi à se reposer, et il n'a pas la science infuse. Et justement, tous les grands organismes d'État, télévision, radio, presse et université, seraient là pour dire, voici le monde qui est le vôtre, voici ce dont vous pouvez jouir, comment vous pouvez en jouir, la meilleure façon d'en jouir, attention, voici tel péril, attention, voici telle façon d'éviter tel péril, attention, voici vos responsabilités, voici vos droits, voici vos devoirs, etc., etc., etc. Mais ça, c'est une vue parfaitement idéale. Bien sûr, vous avez parlé sans arrêt au conditionnel. Ah oui, tout à fait au conditionnel. Associez-vous l'idée de vacances à celle de liberté et de quelle façon? Par vocation, vacances est presque synonyme de liberté. Pour tous les gens, les vacances, c'est le passage du règne de la nécessité qui est représenté par la vie quotidienne, obligé de se lever pour être obligé d'aller travailler, à une période de l'année pendant laquelle on fait théoriquement ce qu'on veut. Je dis théoriquement parce que justement, c'est là où votre question devient perverse, c'est que cette liberté, elle est tout de même très relative. Quand je regarde mes contemporains, mes chers contemporains, et que je les vois profiter de ce qu'ils appellent leurs vacances, je suis frappé justement par le fait que pour eux, liberté et vacances ne sont absolument pas synonymes. Ils font ce qu'ils croient devoir faire, étant donné leur position sociale. Et notamment, je suis frappé par le fait que les vacances, dans le monde actuel, on remplace l'ordre d'une certaine nécessité par l'ordre d'une autre nécessité qui correspond avec les vacances, où les gens veulent surtout être autre chose que ce qu'ils sont habituellement. Pour les vacances, c'est changer de peau. Mais changer de peau en acceptant des mots d'ordre qui sont imposés par la publicité, par la presse, par les habitudes sociales, etc. Je me demande dans quelle mesure quelqu'un goûte sa liberté lorsqu'il est dans une voiture, qu'il se croit obligé d'aller à une certaine vitesse, obligé de bouffer, je dis bien obligé, de bouffer P plus Q kilomètres par jour, pour avoir vraiment pris ses vacances, ou lorsqu'il se croit obligé de vivre dans cette espèce de camp de concentration avec solium obligatoire qu'on appelle les clubs méditerranéens, moi qui me terrifie. Si je comprends bien, on prend des vacances comme on prend des tranquillisants. Exactement, mais ce sont, vous ne croyez pas si bien dire, les vacances dans le monde actuel, ce sont des tranquillisants. On prend ça comme on prend ses médicaments. Bon. Et on croit se reposer alors qu'en fait, on s'abrutit d'une façon différente. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les gens en venant de vacances, ils sont généralement crevés. Bon. Pour moi, vraiment, l'idée de liberté, de vacances, qui devrait être synonyme, dans l'état actuel des choses, sont parfaitement incompatibles. Oui, on change d'esclavage, c'est une autre forme d'esclavage. Bon. Maintenant, pour moi, les vacances, c'est une façon différente d'organiser mon travail. Mais je continue à travailler. Par exemple, je vais partir à la fin du mois de juillet, je vais partir en vacances. Ça consistera pour moi à changer de décor, mais pas tellement à changer d'activité. J'emporterai des bouquins à lire, bon, ce que je fais toujours. J'emporterai deux, trois trucs à écrire, bon, ce que je fais toujours au courant de l'année. Simplement, les vacances seront représentées pratiquement par le fait que j'aurai remplacé la campagne par le décor des montagnes à Chamonix, parce que j'aime beaucoup faire la montagne, j'aime grimper dans les rochers, bouffer de l'herbe, brouter l'herbe, et ça sera les vacances pour moi. La liberté sera celle dont je jouis tout au courant de l'année, c'est-à-dire qu'elle sera ni plus ni moins grande pour moi. C'est celle qui me paraît immense et qui consiste à faire ce qui me fait plaisir. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je me considère comme un individu extrêmement libre. Et là encore, c'est une chance dont je me félicite chaque fois. Lorsque j'ai des articles à faire et que je me sens un peu paresseux, j'ai l'impression de ne pas être libre. Mais quand je compare mon destin à celui, par exemple, d'un camarade justement avec qui je fais beaucoup de montagne, qui est un copain à moi et qui est maçon. Bon. Or, ce camarade-là se lève à 5 heures du matin pour aller sur son chantier et travaille de 7 heures du matin jusqu'au soir. Bon. Lorsqu'il rentre chez lui, il est beaucoup trop fatigué pour faire quoi que ce soit qui ressemble à des loisirs, par conséquent il ne lit pas, alors qu'il aurait envie de lire, qu'il aurait envie de se cultiver, pas question qu'il aille au concert bien sûr, il est trop fatigué pour aller au cinéma, etc. Bon, il se couche et il se relève le lendemain à 5 heures, etc. Et il y en a combien de gens comme ça dans le monde actuel? Combien d'ouvriers qui sont obligés d'aller habiller en cours, etc. et pour qui l'existence n'est pas très marrante? Et naturellement pour eux, le mot de liberté est une très très très mauvaise plaisanterie. Ils ont la liberté de prendre un sandwich à midi ou un croque-monsieur, et encore croque-monsieur, qu'est-ce que je dis là? Un sandwich au pâté ou un sandwich au saucisson, c'est peut-être la liberté qu'ils ont. Ou de coucher avec X plutôt qu'avec Y, et encore, à l'intérieur des lois et de ce qui est permis par la morale. Mais il est bien évident que quand on parle de liberté, pour une très grosse partie de la population, c'est de la fumisterie. Bon, quand je compare mon destin à moi, et qui peut me lever à peu près à l'heure que je veux, bon, qui a du travail à faire, bien sûr, il faut que je gagne ma vie, mais qui a la chance de le faire en me livrant à des activités qui me plaisent. Je considère que j'ai vraiment le maximum de liberté possible dans le monde actuel. Alors, les vacances, pour moi, consistent à poursuivre cette liberté-là en changeant de décor. Voilà, mais encore une fois, je me considère comme un individu abominablement privilégié. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait de changer de femme ou d'avoir une femme à l'intérieur de certaines lois morales. Est-ce que vous vous associez l'idée de vacances à l'idée de plaisir? Ah, beaucoup. Énormément. Non seulement vacances, mais j'aimerais bien insister l'idée de vie à l'idée de plaisir. Je suis célibataire, mais enfin vous verrez que cette réponse, un petit peu hypocrite, répond tout de même à votre question. Et le fait que je suis célibataire tendra à prouver que justement, je recherche le maximum de liberté à l'intérieur, du moins, d'un certain plaisir. Je pense précisément au plaisir de l'amour. Bon. Mais il est bien évident que le mot plaisir, pour moi, est un mot pour lequel j'ai infiniment de respect. Je considère scandaleux le fait que les gens condamnent le plaisir et le mot plaisir au nom de je ne sais quels impératifs, enfin relevant de la morale ou tout ce que vous voudrez. Bon. Pour moi, il y a une espèce de loyauté envers son corps, envers les sens, envers la façon d'en profiter, qui me paraît un impératif de l'existence humaine. Un homme est doué de cinq sens, et même de plusieurs autres. Cinq, c'est le minimum. Et puis, il y a une façon intelligente, et j'insiste sur le mot intelligent, Il a une façon intelligente d'utiliser son corps et ses sens qui lui permettent justement de fabriquer, ça, fabriquer n'est pas du tout péjoratif ici, de fabriquer le maximum de plaisir avec ce que lui apporte la vie. J'aime profondément la vie. J'ai horreur de la mort comme d'une espèce d'obscénité. La véritable obscénité pour moi, c'est la mort, c'est le malheur. Mais c'est pas du tout l'obscénité que les gens considèrent comme obscène. Par exemple, l'érotisme ou une espèce de joie panique sensuelle physique, c'est pas du tout obscène pour moi. Ce qui est obscène, c'est lorsque je vois, par exemple, une mère qui voit mourir son fils dans un accident de voiture ou à la guerre et que ce fils a 20 ans, qu'il est beau, sympathique, etc., et qu'il aurait fait un merveilleux individu, pour moi, c'est ça l'obscénité, c'est l'obscénité majeure. Lorsque je vois des gens travailler comme des brutes, ils ont crevé toute leur vie pour avoir des existences lamentables, ça, c'est, pour moi, c'est l'obscénité majeure aussi. Mais un garçon et une fille qui font des galipettes, surtout lorsqu'ils sont beaux, dans de l'herbe avec des marguerites, pour moi, c'est pas du tout l'obscénité, c'est un spectacle merveilleux qui symboliserait presque les vacances, comprenez ? Il y a une joie du corps, une joie physique, un plaisir des sens, qui pousse à sa pointe, devient le plaisir de l'oreille, devient le plaisir de la musique, le plaisir des yeux peut devenir le plaisir qu'on a devant une toile de peinture, le plaisir du goût devient le plaisir raffiné qu'on peut avoir à goûter des nourritures, etc. C'est-à-dire que entre le plaisir et les satisfactions de l'art, il n'y a absolument pas de limite, il y a simplement une question de degré, de culture et d'éducation, et on retrouve les fameux éducateurs auxquels je ne tiens pas. Les éducateurs devraient avoir aussi, parmi leurs tâches, apprendre aux gens ce qu'est le plaisir, qu'il y a différents plaisirs, des échelles de plaisir qui peuvent vous faire accéder à des degrés supérieurs de l'humanité. Ça ne correspond pas toujours au présent, c'est que malheureusement, l'éducateur tel que je le conçois, ça reste encore un rêve, et je ne sais pas si on va dans la direction de la réalisation de ce rêve. Dans la société actuelle, qui est la nôtre, c'est-à-dire une société bourgeoise, est tout de même fortement marquée par la religion. Il est évident que le plaisir est suspect. Et notamment le plaisir un peu païen, ou si vous voulez, panique que je conçois, on voudrait bien qu'il n'ait pas toujours un rapport avec les vacances. Se pencha vers la tombe. C'est la guerre. Et son seul contact avec la mort, c'est ça. Un simulacre grossier, à l'image de cette guerre, à l'image de Dieu. Savaient-ils, Vignard et les autres, que leur comédie n'était au bout du compte qu'une protestation désespérée ? Pour passer sous le filet de volley-ball, troupeau marchant dans la nuit vers la tombe ouverte, ils avaient eu une inclinaison du buste, parfois même l'exacte génuflexion, tête baissée, qui marque le passage des vaincus sous le joug. Ils ne triomphaient que pour rire. Des enfants. En fait, ils étaient bien les vaincus, les prisonniers de ce temps qu'ils prétendaient bafouer, de ce sexe qu'ils prétendaient enfermer. Le temps se fout d'eux, sans jour ou pas. Et la mort. Savent-ils qu'à leur dernier instant, claquant de trouille, ils renouvelleront l'appel qu'ils auront passé leur vie à lancer en l'air et que ne leur répondra que le silence, comme il est à la fois naturel et absurde. Protester devient alors vulgaire et stupide. Il faut jouer le jeu. Félicien dirait « faire comme si ». Tu ne songes à la mort que comme à la solitude suprême et définitive, la dernière île. Tu te trompes, mon petit vieux. C'est au contraire la fin définitive de la solitude, le retour au grand tout. Il imagina fortement le sexe, se bandant contre le couvercle au fond de la terre. Se hâter de jouir est une solution pauvre. Il y faut toute la tendre acceptation du monde. C'était Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Jean-Louis Bory. Texte lu par Bernard Jousset. Assistante Yvette Tuchban. Collaboration technique Yann Parentoen. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1965, troisième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evanneau. Mixage, Olivier Dupré. Réalisation, Annie Noël, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents épisodes de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.